Moi, j'étais dans la crise d'Oka. J'étais 18 ans quand ça a déclenché. J'étais impliqué depuis que je suis 17 avec la lutte pour la terre chez nous, à Calasadague. Je ne sais pas si la gens ici connaissent les événements des 90 avec la crise d'Oka. Les gens connaissent qu'est-ce qui s'était passé? Pas besoin d'expliquer. Peut-être expliquer un peu. C'était un issue chez nous d'un développement pour une expansion d'une cour de golf. Déjà, la cour de golf qui existait là à Ganassadague, c'était sur notre territoire without our consent. I need your help. Sans notre consentement, c'est ça? Sans notre consentement. Yes, OK. You can ask go I'm not going to say it again because it's going to get. Sans notre consentement. Sans notre consentement. Consentement. Puis c'était un vol des terres. Ça existait depuis une longue époque que les non-autochtones dans la région, ils ont volé beaucoup de terres de nous. On avait beaucoup de oppressions par l'église en plus, puis les autres gens de le village d'Oka, puis les villages autour. La crise d'Oka, ce n'était pas arrivé juste là. Il y a les racines plus loin que ça. On peut aller jusqu'au contact, mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais je vais aller dans les années 1875-1880. Chez nous, on avait l'église catholique, l'ordre de l'église catholique, les Sulpiciens, les messieurs de Saint-Sulpice. C'est les mêmes gens qui ont la Notre-Dame-des-Neiges ici à Vieux-Montréal. Ils ont aussi le grand cimetière sur la montagne. C'est les mêmes gens qu'on a dealé avec. C'était le même ordre de l'Église catholique qui était explosé dans la Révolution française en France. Ils sont tous rendus ici. Ils sont des poches. On a dit aux fins de journée. C'était un ordre aussi, on doit comprendre comment ça existait. Il y a des différents ordres dans l'Église catholique. Il y a des ordres comme les jésuites qui sont des ordres qui renseignaient. Ils ont des autres ordres aussi qui faisaient des autres choses. Mais les Sulpiciens, c'était spécial. C'était l'ordre de l'Église catholique pour les élites. C'était les riches qui voulaient aller là pour être prêtres ou n'importe quoi, frères, et rentrer dans cet ordre-là, les Sulpiciens. C'est un ordre élite avec une attitude élite. Quand ils sont rendus chez nous à Ganassadague, ils ont construit une mission pour les Algonquins et les Nipissing qui voulaient rester là avec les catholiques, les prêtres. Depuis le commencement de cette époque-là, ils ont volé les choses de nous autres, ils ont nous oppressés. Ils ont fait les restrictions, comment on peut le pousser, les légumes, le maïs. On avait les limites. Si on poussait trop, ils saisissaient toutes nos nourritures. Si on coupait trop d'arbres pour nous chauffer dans l'hiver, ils vont voler, ils vont saisir nos bois. Aussi, on avait des prêtres. Je pense aussi les Québécois, dans cette époque-là, ils savent c'est quoi. On avait des prêtres qui rentraient dans la maison pour voir si tu fais des bébés. On avait la même inflation, je pense que les Québécois savent. C'est pour ça que l'Église catholique, ça baisse. Chaque année, chaque époque, ça baisse plus et plus. Parce que on sait c'est quoi la pression aussi. C'est la même chose, on peut dire, we have similar. La même chose, nos ancêtres, on a vécu des mêmes choses aussi avec cette église-là. En tout cas, en 1875, ils ont eu une révolte chez Ganassadague. Ils ont abandonné le catholisme. Puis après ça, ils ont construit une autre église, une église protestante dans le village d'Oka. Puis ça, c'était une chose grave dans cette époque-là. Vraiment, les estimes entre les catholiques et les protestants, c'était vraiment quelque chose qui était un grand point de conflit. Même dans l'époque moderne, juste dans les années 90-2000, en Irlande, ça existait encore. Ça existe encore là aussi, à cette époque-là, aujourd'hui. Mais à cette époque, quand ils ont changé de religion comme ça, rejeté les Sulpiciens, ils ont construit cette église-là. Les Sulpiciens, ils ont engagé les gens pour détruire l'église. Ils ont tout mis ça en terre. Puis on avait une grosse émeute dans le village d'Oka. Puis ils ont brûlé l'église catholique. Puis après ça, les polices, ils ont tout arrêté, tous les hommes de la village de Ganassadague. Tout. Puis ils ont tout mis en prison à Saint-Jérôme. Puis après ça, ils essaient de mettre dans cour pour passer des procès comme ça. Après ça, ils ont déplacé, ils faisaient des déportations de 30 familles. C'est là que ça a commencé la crise d'Oka. C'est là les racines qui s'étaient plantées dans la terre. On avait des dispossessions, on avait des non-autochtones qui prenaient les places des terres des gens qui s'étaient déportés. Puis on avait comme une table des chefs On avait autochtones, non-autochtones, comme ça. Comme l'État d'Israël, dans les territoires occupés, les mêmes choses. La crise d'Oka, c'est arrivé. On était rendu jusqu'au fond de notre patience avec les choses comme ça. Dans les années entre 1875-1990, on a eu beaucoup de problèmes avec l'SQ, avec les JRC. On a eu des gens qui étaient battus. On avait des gens qui étaient tués par les JRC dans les années 20. Puis dans les années 80, on a beaucoup d'interventions policières violentes chez nous. En 90, on dit, ça va arriver jamais encore. On va pas rester calme, on va pas être dans paix, on va nous défendre comme il faut. Puis aussi, en 89, on s'est rendu compte comment ils vont construire cette cour de golf-là pour des élites. Une cour de golf privée pour les privilégiés, les maisons de luxe pour les riches sur nos terrains. À partir de leur plan, c'est l'enterrement des morts dans notre cimetière de 400 ans, pour enlever tous les corps, pour mettre ça dans une common grave, comment on dit ça? Une fosse commune. Pour enterrer comme ça, pour faire un stationnement sur notre cimetière. Puis c'était le point final, le geste était en colère. En tout cas, on essaie de négocier, on a tout le temps essayé de négocier, mais c'est rendu au point que ils ont eu une injonction, puis ils ont rentré la Sûreté de Québec, l'équipe de tactique spéciale, et ils ont à nous attaquer avec des mitrailleuses, avec des fusils, toutes sortes de choses. On avait une rétaliation à notre côté aussi. Moi, je ne suis pas pacifiste. Je suis loin de pacifiste. Mais dans l'époque, moi, j'étais là, j'étais armé, j'étais jeune, avec un AK-47 dans la main, puis j'étais dans ce conflit-là, de le commencement jusqu'au fin. Puis aussi, les 25 années après, avec la pression qui était arrivée chez nous, on avait des checkpoints comme les Palestiniens. On avait les forces armées canadiennes qui restaient là jusqu'à décembre 90. On avait, après ça, la pression de SQ. Même ces jours-là, là, juste les deux années passées, il y avait une grosse intervention policière. Puis ils ont rentré là avec des chars de combat. Des gros chars de combat, des hélicoptères. Toute une grosse opération militaire. C'est la Sûreté de Québec qui ont fait ça. On voyait maintenant la Sûreté du Québec comme une force militaire ici à Québec. En Victoriaville, vous avez goûté ça aussi. Comment c'est une force militaire. Depuis 90, ils ont fait la militarisation de la Sûreté du Québec pour être plus comme les forces militarisées de l'États-Unis. Les chars de combat, ils ont au moins deux chars de combat avec les 6 roues. Ils ont des chars de combat comme un Hummer armé, puis un camion armé comme un Brinks, un camion de Brinks ou quelque chose. C'est pour l'argent, mais ça, ils ont ça. Ils ont tout rentré ça chez nous. Ils disent, oh, on fait une intervention pour les marijuana, pour les drogues. Ils ont saisi 20 plantes de tomates. 20 plantes de tomates, puis c'est vous autres. Ils parlent tout le temps de l'austérité, mais ils ont tout le temps l'argent pour dépenser. Cette opération, ça coûtait 75 000 $. Une autre opération, 1 500 000 $. Ça coûte de l'argent pour les tomates. Puis tout le temps, ils font avec les partenaires, avec le Journal de Montréal, la presse, TVA, les Indiens, les Mohawks, c'est le nid de criminalité, là. Moi, j'ai gratté mon tête, mais c'est pas nous autres, les Hells Angels, on n'a pas inventé ça, nous autres. La mafia, c'est pas nous autres qui a inventé ça. La cocaïne, c'est pas nous autres qui avons inventé ça non plus. En tout cas, mais on est l'ennemi des criminalités. Parce que peut-être que les gens, ils s'en rappellent pas ou ils étaient trop jeunes, mais ils comparaient beaucoup les Mohawks avec la mafia. Des 90 dans les médias, puis tout mais ça. Mais on va retourner une petite interview que j'ai faite avec Franklin Lopez. Oui, à la fin. Après qu'il a fini de parler. Quand j'ai fini de parler, puis on est pas des criminels. On voit ça, les sociétés guerrières, des warriors, des choses comme ça. C'est pas une organisation. It's a duty. Comment on dit ça, un duty? Un devoir de tout le monde. Puis c'est pas juste des hommes. On voyait le drapeau connu, là, avec le seul Indien homme. Ça, c'est vraiment même pas le drapeau guerrier. Le vrai drapeau guerrier, c'est un homme et une femme. Parce que de non façon, c'est pas les hommes qui vont dire si on va aller à la guerre ou non. C'est les femmes. C'est les femmes qui disent oui ou non. C'est nous autres qu'on va prendre les armes. C'est nous autres les premières lignes, mais les femmes, elles sont là aussi. Elles sont là aussi. Et c'est... my French sometimes. Right. That's fine. Mais c'est ça la même chose en crise d'Oka. En crise d'Oka, on était accusé de cacher en arrière des femmes et des enfants. Parce que les femmes, ils ont approché la ligne de policière et ils disaient « Dégage, tu ne peux pas rien faire ça. » On va donner 3 warnings, 3 avertissements de déplacer. Ils n'ont pas pris cet avertissement-là. Quand ils sont rentrés, ils ont tiré, ils ont été tirés dessus aussi. Moi, je ris tout le temps quand je lis des relations jésuites. Puis il y avait un jésuite qui l'écrit. Si vous pensez que les hommes des Mohawks, des Iroquois sont méchants, vous n'avez jamais rencontré leurs femmes. Parce que c'était dans l'époque où on était rough des femmes. Les femmes avaient la même puissance, le même pouvoir que les hommes. C'était égal. En tout cas, est-ce qu'on a des questions, quelque chose? Vite, parce qu'on va passer l'autre. Juste faire une parenthèse. Si vous voulez une historique, une bonne historique, qui parle des Sulpiciens jusqu'à la crise d'Oka, ça s'appelle « Le silence des messieurs ». Exactement. Écrit par Gilles Boileau, puis c'est vraiment, ça explique comment on était rough. Good book. Ouais, c'est une des meilleures livres de la crise d'Oka. Ça explique beaucoup comment la « how do you say, the swindle ». La crosse, le crossage de la, chez nous. Aussi, il y a un petit twist, là. Dans la crise d'Oka, le policier qui était tiré, c'était Marcel Lemay. So, 20 ans après, sa sœur nous approchait. Elle a vécu beaucoup de choses, je comprends. Moi aussi, j'étais triste. Même si c'était une flic, c'est un homme, c'est un humain. Il y avait des enfants aussi. Puis, en tout cas, il était mort. Il était mort ce matin-là dans la pinède. J'ai vu son casque. J'ai vu tout le sang, puis les morceaux de cerveau. Tout ça. J'ai vu ça. C'était pas vraiment. J'étais peur dans la crise de cas. J'étais pas. On met le gros visage, tout tough, là, mais j'étais peur en maudit tout cet été-là. Puis aussi le 3 ans après. J'étais peur aussi avec ça. Mais cette femme-là, Francine Lemay, était rentrée chez nous, puis. Elle voulait avoir la paix pour elle-même, pour dépasser un point. Puis elle a rendu compte comment ça allait, l'histoire. Comment c'était le crossage des Mohawks à Ganassadagé. Puis elle a traduit notre livre d'histoire en français. C'est en français maintenant. Puis c'est une bonne chose parce que ça construit des ponts pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Puis elle a parlé une fois, puis j'étais corrigé une fois. Elle disait... Ça m'a pris beaucoup de temps pour pardonner les Mohawks pour les choses qui étaient passées à mon frère. Mais je l'ai fait arrêter tout de suite. Je dis, excuse-moi, Francine, mais j'aime beaucoup, mais je ne veux pas ton pardon. Si tu veux pardonner quelqu'un, pardonne le gouvernement du Québec, la Sûreté du Québec, les municipalités d'Oka, les membres de la cour de golf d'Oka, ces gens-là pour le meurtre de ton frère. Mais moi, je ne demande pas de pardon. Il était là, pas avec les fleurs dans la main. So, c'était ça, mais on a encore des amis. So. On est bon, c'était besoin de dire. Puis il a changé un peu sa tune, un peu, parce qu'il a mis ça tout sur nos épaules. C'était nous autres. Mais ça a changé quand j'ai l'expliqué comme ça. En tout cas, la crise d'Oka, elle avait un grand effet, une négative positive sur nous autres. Positive sur les mouvements, comment vous voyez le drapeau guerrier, qui était là, le mouvement de société des guerriers, ça a vraiment monté beaucoup dans les derniers 25 ans. C'est 25 ans en juillet 2015, mais c'est encore, ça sonne dans l'oreille, hein. Ça sonne encore. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est une lutte qu'il y a eu récemment dans ce qu'on appelle Gatineau. Ouais. Pour ils veulent faire des condos, puis ils ont déplacé un terrain où ils ont trouvé des artefacts appartenant à des Autochtones il y a très longtemps. Puis ils utilisaient aussi le drapeau. Ouais. Il y a plein de luttes partout dans le monde. J'ai vu ça, ce drapeau, tout partout. Quand la crise de Oka a été, j'ai pas rendu compte comment c'était grand. Après une bout, j'ai vu des drapeaux de guerriers dans Nouveau-Zélande, les Maoris qui faisaient une manif contre un projet pour l'océan. Ils voulaient bloquer, faire les développements dans l'eau autour de Auckland. Puis j'ai vu ce drapeau-là dans les mains des guerriers Maoris. Wow! Ça m'a impressionné beaucoup. Après ça, j'ai vu des luttes. J'ai vu des luttes comme en Équateur, des Autochtones. Là, ils ont les drapeaux aussi, avec leurs drapeaux. Une fois, quelqu'un m'a envoyé une photo de Génine quand il y avait une grosse chose dans les années 96, je pense. Il y avait une grosse chose avec l'armée israélienne. Il y avait une maison avec un drapeau guerrier de Mohawk, puis un drapeau palestinien. J'étais à vrai, cette pointe-là, j'étais waouh, c'était plus grand que je pensais. Puis en Europe aussi, j'étais en Grèce l'année passée. Puis j'ai parlé sur le même panneau avec Naomi Klein à l'Université d'Athens. Puis il y avait un jeune homme grec qui m'a approché, il ne parle pas l'anglais. Il a enlevé son chandail puis il avait des drapeaux guerriers tatoués à l'épaule et à l'autre épaule. Moi, j'étais vraiment touché par ça. J'ai vraiment été impressionné. Comment c'était. On a besoin aussi de support en la forme de solidarité avec les gens. Dans la crise d'Oka en 90, il y avait des activistes, mais ce n'était pas si grand comme c'est maintenant. Maintenant, c'est plus grand. Moi, je pense que les émeutes raciales qui étaient arrivées en Châtelier, en La Salle, moi, je pense que ça ne passera pas dans cette époque-là. Parce que je sais qu'il y a la solidarité. Puis on a besoin de construire encore plus de solidarité avec les communautés Ongwehoué dans toutes les différentes régions. Moi, je pense aussi qu'on doit mettre plus de pression sur les systèmes écolières pour donner des leçons pour les langues autochtones, pour l'apprendre aussi, pour faire mettre les langues plus fort. Si vous êtes dans la région de Montréal, tu vas apprendre le Gagnon-Cahaga. Si vous êtes dans le territoire comme autour de cette île, tu vas prendre l'Innu. Si vous êtes en Coujouac, tu vas prendre Anouk-Toutouk. Des choses comme ça, on doit tout le temps. On a 11 différentes nations indigènes ici, en Québec. Puis on doit tout reconnaître ces choses-là. C'est pour ça que j'ai des issues avec le sovereignty québécois. Des fois, puis j'ai estime suivant avec les gens. Une personne m'a demandé une fois, comment vous pensez de la sovereignté? Alors moi, je ne pense pas parce que j'ai plus un côté ou l'autre. Moi, je trouve que c'est comme les voleurs qui vont estimer sur les choses qu'ils ont volées. So, moi, je n'ai pas d'accord un côté ou l'autre. On doit trouver une troisième façon. Troisième façon d'exister ensemble sans avoir l'exploitation en haut de tout le monde. Comment ça existe maintenant? Si vous voyez les différents mouvements pour les indépendantes de Québec, ça existe sur les ressources, ça existe sur l'exploitation des ressources sur les territoires indigènes, dans l'autochtone, dans Québec. Puis je n'ai pas d'accord avec ça. On doit trouver une autre façon. On doit avoir la parole. On doit avoir la consultation. Puis on n'a jamais eu ça. Les gens, ça peut-être, sont jamais nous demander comment on pensait, comment on veut aller ensemble avec ça. On va faire ça, tout le monde va parler français, tu vas accepter ça, tu vas être content. Ferme donc ta gueule. C'est ça la façon qu'on va avoir les interactions avec ces gens-là. Ils ont des changements, comme Québec solidaire, j'ai respect pour ces gens-là qui veulent avoir un autre dialogue. Ça, c'est la façon qu'on doit aller dans le futur. Pas avec la façon droitiste des partis québécois. Ça, c'est pas une façon, c'est pas un futur. C'est quelque chose, je veux rien savoir. Parce que je rappelle aussi comment ils ont parlé, le Parti québécois, dans la crise d'Oka. Comment ils ont dit des choses, des conneries contre nous autres. Et même Jacques Parizeau, il y avait une interview le 10e anniversaire du dernier référendum. Puis ils disaient, le problème des Mohawks, on connaissait des clôtures autour, puis on va laisser ça, c'est pas notre problème. On va laisser ça comme ça. Parce que sont difficiles à travailler avec les Mohawks. Parce qu'on mange pas de la merde. C'est pour ça qu'on est difficile. En tout cas, dans ce point-là, je vais arrêter parce que je dois s'en aller. Mais je vous remercie beaucoup. Je suis content d'être ici. Merci. Merci tout le monde.